changer. Quitte à dire n'importe quoi, autant être précis. Et pour faire court, autant être concis. Bref, il faut savoir ma voix, prendre des raccourcis. N'importe quoi.